Pourquoi il se fout à la fin? Qu'est-ce qui se passe là? Tac, tac, tac, tac, tac. Attends. Je sais ça. Ici je pars là. Si on part là. On part ici. Quelle date? Tu vas te caler, oui, le batteur? J'essaye de caler la batterie, mais bon. Le batteur, il est chiant. un batteur. J'arrive pas à caler le texte. Quatre notes, une prière pour porter nos fardeaux. Jeter la tête en arrière et souffler quelques mots. Ouvrir nos veines, nos artères au son des trémolos. Sur la terre de nos ancêtres, des champs brûlés nous entourent. La vie renaîtra peut-être à l'oreille du faubourg, où la gloire éphémère nous joue un mauvais tour. Quatre croches à soupir, supporter nos croyances. Des sombres pour un empire en guise de bienséance. J'irai l'aller sur nos temps avant que le péril jeune si con. J'irai pleurer nos âmes perdues avant que le sang ne coule dans la rue. C'est pas mal comme ça, hein. Je vais recommencer. Et l'enlève sur nos tombes.